ambiance familiale. Voici pourquoi je kiffe à fond le plus petit moment bon. Coup de fun tel un frère, passe boire un coup à la maison. Faut que je me sente proche de mes proches, sinon ce serait la pendaison. La maîtrise du temps qui passe, ma principale obsession. La fin de journée sonne toujours comme la fin d'un freestyle session. Déjà là pour pousser les murs et refuser l'oppression. Roule avec moi si t'es corda, ici pas besoin de port d'armes. Les balles seront lyricales et le plomb dans ton mental. Malgré toutes mes tortures, je suis un gars super simple. Pas besoin de coups tordus pour durer comme la super 5. Ni pour qu'on m'arrête dans la rue, qu'on me dise ton son super zinc. Si en ce moment tu bouges la tête, c'est que la prod de strike te désingue. Je me dois de rester positif, même si je gagne jamais au banco. Les fachos s'arrachent les tifs, mes rêves vont du black au blanco. Ils n'attendent pas l'apéritif, faut que le rhum charrette coule à flot. Et s'il y a un jour se dire arrête, il me répond: ah t'es vieux, je pas plus flot. Entouré des miens est essentiel pour garder le cap. Spécialiste de la chambrette, même si je suis sombre dans mes raps. Demande à le rack, ça s'échauffe devant la console. Moi et mes consorts soudés malgré les coups du sort. Jamais discret quand on sort, c'est narcosé associé. Je bouge de Montpellier Nord pour rejoindre tous mes saucés. Plus de place dans la caisse, direction le palace. Mais l'ascar ont la grande classe, on occupe toute la place. Moi j'observe le coup du rôle, la paille dans mon coca fraise. Les chabines rêvent d'un coup de rein, mais je sais qu'on m'attend au 116. C'est le VIP ambiance familiale dans le cabine. Man man on assassine, en aucun cas on badine. Et papy la machine est en route, mettre sa cartine. On abîme, bip bip bip bip bip, on abîme. C'est le VIP ambiance familiale dans le cabine. Man man on assassine, en aucun cas on badine. Et papy la machine est en route, mettre sa cartine. On abîme, bip bip bip bip. J'aime ces ambiances ou jamais ambiance. En toutes saisons j'y pense, même si pas champion de danse. Apporte tes potes sur le pas de la porte. De la part qu'importe, même pour un plat de pâtes. Bon esprit exigé, donne-moi pour m'exciter. De bonnes meufs exigées, sentiment d'exister. Avec ma vodka, coca, à chaque occasion. Comme ça j'accoste même sur la soca. Pour que ce soit bon, pousse le son à fond. Fais tourner la boisson, faut que tout saute au plafond. Je veux des sons lourds, à tout prix pour mes trous. Et les groupies trouvent qu'il est groovy. Ce groupe avec striker, rappeur et beatmaker. Mon verre je le vide et j'évite tout ce qui vide mes cœurs. Quand je donne du frais ça vient du cœur. Pour qu'enfin mes refrains reprennent ton cœur. Ce refrain c'est le VIP ambiance familiale dans le cabine. Man man on assassine, en aucun cas on badine. Et papy la machine est en route, mettre sa cartine. On abîme, bip bip bip bip bip, on abîme. C'est le VIP ambiance familiale dans le cabine. Man man on assassine, en aucun cas on badine. Et papy la machine est en route, mettre sa cartine. On abîme, bip bip bip bip bip, on abîme. C'est sans sas, on est censé sans cesse balancer nos rimes sans sens. Interdit ça se passe, tout sens, on explose tous tes sens. Même à fond dans le son. Quand je fais les choses, je les fais bien. Encore plus chaud qu'un porno lesbien. Solidaire autant que solitaire, tel est le paradoxe. Demande à Strike et Narcos. Soirée alcool, j'en raffole. Des barres en rafale, tous fous avant le refoule. Ambiance familiale, c'est chaud si familial. Ambiance familiale, c'est rigolade et rigolade. Même en semaine, on traîne, on se mêle. En manque de sommeil, la tisse se mêle. Les pinces au sommet, c'est loin ensemble que la nuit nous mène. Personne ne sera semé, chemin par chemin d'embûche. Pas le temps pour chômer en bûche. Tout soudé ma biche, tout saoulé, tout saoulé. Feu de la rampe, les filles on est dessous trempe. Mais dessous on manque à l'en rentre. C'est un son pour les frangins, les frangines. Loin de l'époque de mes beats sur audiofanzine. Un son pour toi si tu marches avec moi. Un son pour la mifa de fer, y'a pas mis son fa. Hey non, affalé dans mon sofa. Je mets le son fort, fier de ces moments là, de cette ambiance là familiale, avec mes gars fiables. Fais gaffe il tape, si ça part en y'a qu'à table. Y'a du rappeur à croquer. Arrête fillette, je sais bien que je te fais craquer. Souvent traquer. J'aimerais troquer mon sale passé contre un meilleur avenir. Ma partie se termine, c'était le rack alias la sale vermine. C'est le VIP ambiance familiale dans le cabine. Man man on assassine, en aucun cas on badine. Et papy la machine est en route, mettre sa cartine. On abîme, bip bip bip bip bip, on abîme. C'est le VIP ambiance familiale dans le cabine. Man man on assassine, en aucun cas on badine. Et papy la machine est en route, mettre sa cartine. On abîme, bip, bip, bip, bip, on abîme.